Bonsoir, on est aujourd'hui le 10 novembre 2013, le 7 qui se lève, 5774. Et ce cours est pour les Lounishmat de Rosalie Bat Ourida. Et ce soir, nous allons traiter des halakhot de Hanouka, puisqu'on est à 2 semaines de Hanouka, Bezat Hashem. On va faire un bref résumé de toutes les halakhot. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est bon de les savoir. Ok, donc on commence. Donc les halakhot de Hanouka, donc on sait que Hanouka, c'était... Pourquoi on appelle ça Hanouka ? Parce que c'est Chanou, Kaf-E. Que Chanou, ça veut dire gagner, on a vaincu. On a vaincu les Grecs, le Kaf-E. C'est tombé le Kaf-E, c'est-à-dire la bataille a duré pendant quelques jours. Et le Kaf-E, on a réussi à les battre, c'est-à-dire le 25 qui se lève. Donc, puisque la fête de Hanouka tombe le 25 qui se lève, le 24 au soir exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle Hanouka. Donc maintenant, on va traiter, bien sûr... L'histoire de Hanouka, je vous laisse le lire dans le Kabbalat Hagim que je vous ai envoyé. Et là, maintenant, on va traiter juste des halakhot. Ils sont aussi dans le Kabbalat Hagim, mais là, il y a un peu plus de halakhot, dans le sens où on traite en détail exactement. Alors, qui est-ce qui est obligé, première halakha, qui est-ce qui est obligé d'allumer les nérodes de Hanouka? Alors... Il faut faire en sorte que chaque membre de la famille allume les nérodes de Hanouka. Même les enfants qui ne sont pas encore bar mitzvah, le minhag chabad, c'est d'allumer, la tradition chabad, c'est d'allumer, même de faire allumer les enfants pour les éduquer à allumer la mitzvah de Hanouka. Même la femme a le devoir d'allumer la Hanouka. Mais on a le minhag, on a la tradition que c'est l'homme qui fait la bracha et qui allume pour sa femme. Mais les enfants, eux, pourront faire la bracha, s'ils sont bar mitzvah. Aussi, donc on a le devoir de, si on est pauvre, on n'a pas beaucoup d'argent, on a le devoir de vendre des choses, des vêtements ou n'importe quel autre objet pour pouvoir acheter de l'huile de Hanouka pour pouvoir allumer la menorah. Maintenant, une femme qui n'a pas d'homme, qui n'a pas de mari, je veux dire. Et donc elle peut pas faire la bracha et elle peut pas allumer. C'est-à-dire, dans le sens où elle sait pas lire, ou elle veut pas allumer vraiment, elle préfère que ce soit un homme. Donc, la personne qui va venir allumer, il faudra que ce soit un homme, bien sûr, il fera la bracha, même si lui, il a déjà fait la bracha pour lui-même, et qu'il s'est acquitté de sa mitzvah de Hanoukia, il pourra faire la bracha pour l'acquitter à elle, et elle sera rendue quitte de cette mitzvah. Les enfants, aussi, comme on a dit, on les éduque très jeunes à allumer la Hanoukia. Avant la bar mitzvah, on fait pas de bracha. Après la bar mitzvah, on fait une bracha. Donc on continue dans les halakhot. Maintenant, avec quoi on allume? C'est-à-dire dans quoi on allume? Avec quoi? C'est-à-dire l'huile ou la cire? Donc la mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive, bien sûr. Parce que le miracle qui s'est passé à cette époque-là, c'était au temple Beit Hamikdash, on allumait seulement avec de l'huile d'olive. Ils appelaient ça Shemen Zayit Zar. C'était de la l'huile d'olive pure, de très très bonne qualité. Et donc on a la mitzvah d'allumer avec de l'huile d'olive. Maintenant, si on n'a pas d'huile d'olive, et on est dans un endroit où on ne peut pas se procurer de l'huile d'olive pour quelque autre raison, on peut utiliser... Bedi Avad, c'est-à-dire si on n'a pas vraiment d'autre choix, on peut utiliser des bougies, bien sûr. Les petits lots, si vous utilisez de l'huile d'olive, il faut les mèches. Les mèches. Les mèches, elles peuvent être faites de n'importe quoi, c'est-à-dire on n'est pas obligé que ça soit du coton, de la soie ou quelque chose d'autre. Tout est bon. Même un vêtement déchiré, on fait une mèche avec, c'est bon. On a l'habitude de changer les mèches chaque jour, donc afin que de renouveler, donc on renouvelle les mèches. Maintenant, pour quelque autre raison, quelqu'un qui a juste la quantité de mèches nécessaire pour juste les 48 jours, c'est-à-dire il n'a pas d'autres mèches, c'est-à-dire il est obligé de réutiliser les mèches de la veille. Comment doit-il faire? Ça peut arriver. Vous êtes dans un endroit en vacances et vous avez peut-être 15 mèches ou 20 mèches et vous en avez besoin de 48. Donc vous êtes obligé de réutiliser les mèches de la veille. Donc actuellement, Comment on fait? Pour le lendemain, par exemple, si on allume le premier soir, la mèche donc du deuxième soir qui devra être allumée, on va utiliser la mèche du premier soir qui a été allumée. Ben non, on va toujours mettre une mèche nouvelle pour le jour nouveau. C'est-à-dire, si le premier soir on a allumé avec une mèche, on va pas réutiliser cette mèche pour le deuxième soir. On va la garder pour le premier soir toujours. Et on va essayer de mettre une mèche nouvelle dans le deuxième. Et troisième, et quatrième, et arrivé au huitième, si maintenant vous avez juste une mèche qui reste, et ben vous débrouillez toujours pour garder 8 mèches neuves. De façon à ce que chaque soir, vous allumez la bougie concernant le soir avec une mèche neuve. Les autres bougies qui ont été déjà, c'est-à-dire des soirs précédents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez allumer avec des anciennes mèches, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on ramène que le Minakrabad, il y avait la. On ramène que l'Admour Maharaj, lui, il avait l'habitude de réutiliser les mèches, les anciennes mèches, parce que ça brillait beaucoup plus. Ce qui ramène dans le Sefer HaMinagim. Donc, on continue. Maintenant, l'huile qui est restée, par exemple, maintenant vous avez rempli toutes les petites coupelles d'huile, et la menorah, bien sûr, elle s'est allumée, elle a brillé. Donc, par contre, j'introduis le temps. De l'allumage de la menorah doit être minimum de 30 minutes. Chez Chabad, on fait 50 minutes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit allumer. Il y en a qui allument après l'Hashkia, comme on sait, c'est au moment de la tombée de la nuit, c'est-à-dire pas de la tombée de la nuit, comment dirais-je en français, c'est un moment qui est entre la sortie des étoiles. Et la sortie de la et le temps et la sortie du jour, c'est-à-dire ils appellent ça Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est un moment, un temps comme de 18 minutes ou je sais pas exactement, il faut regarder le calendrier pour ça. Et donc il y en a qui a l'habitude, chez Chabad, on a l'habitude d'allumer avant la Shkia, c'est-à-dire avant donc l'entrée de Shabbat, pour être clair. Et il y en a qui ont l'habitude d'arriver même, qui d'allumer même après l'entrée de Shabbat, mais avant la sortie des étoiles, ou il y en a même qui allument après la sortie des étoiles. Donc, chacun y fait. Et maintenant, si lui, il n'a pas pu, par exemple, la personne, elle a travaillé, et elle n'a pas pu allumer à ces moments-là, alors à ce moment-là, elle pourra allumer toute la nuit. Donc, pour en revenir à l'huile qui est restée, donc l'huile qui est restée, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on peut la réutiliser? Oui, on peut la réutiliser seulement pour la Hanouka. Toute l'huile qui est restée dans les coupelles. Maintenant, s'il reste, à la fin de Hanouka, vous avez utilisé une bouteille d'huile, et de cette bouteille d'huile, il reste la moitié de l'huile, vous ne l'avez jamais versée dans aucune coupelle, cette huile-là, vous pouvez l'utiliser pour la cuisine ou n'importe quoi, parce qu'elle n'est pas sainte. Alors que l'huile qui a été utilisée, qui a déjà été allumée, qui est restée dans les coupelles, ça, c'est de l'huile sainte. Donc, vous l'utiliserez soit pour allumer un nerf neshama, c'est-à-dire. Pardon. Un ner neshama, c'est-à-dire pour le souvenir d'un défunt, etc., etc. Donc vous trouverez toujours une utilisation à des fins saintes. Donc maintenant, l'endroit où on doit poser la Chanoukia. Alors bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui habitent en appartement. S'ils ont une maison, ils vont le mettre toujours à l'entrée de la maison afin que les gens qui passent puissent la voir. Maintenant, si c'est dangereux, alors comme en France ou dans des pays européens comme la France, bien sûr, on fera en sorte, si on n'a pas de risque que quelqu'un vous la casse ou etc., etc., vous pouvez la mettre dehors. Sinon, vous pouvez la mettre dehors sur une chaise en général. Il faut que ça soit plus que 3 tefachim. 3 tefachim, c'est à peu près 3. 3 tefachim, c'est à peu près la taille de 3 hauteurs de poing. C'est-à-dire un poing, c'est un tefach. Donc 2, 3 points, votre poing, dans votre main en poing. Donc vous la mettrez sur une chaise, vous pouvez la mettre dans une boîte en verre afin qu'elle soit protégée des jus vents, etc., etc. Maintenant, bon, pour la plupart des gens, on habite tous en appartement. Donc comment fait-on? Si on la met, étant donné qu'on habite dans un appartement et que c'est en hauteur, il n'y a personne qui va la voir. Au-dessus de 20 amot, il n'y a personne qui voit la menorah, il n'y a personne, la halakha a dit que ce n'est pas kasher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on se débrouille pour la mettre dans la pièce où on mange, afin que tout le monde puisse la voir. Et le minag, Donc la tradition Chabad, c'était de la mettre du côté droit de la porte, c'est-à-dire à gauche il y a la mezouza, d'après que la porte s'ouvre en rentrant, bien sûr. Et donc on a l'habitude de mettre la Hanouka à l'opposé de la mezouza. Pourquoi? Pour qu'on puisse à chaque fois passer dans cette porte et on puisse être entouré de mitzvot. On a la mitzvah de Hanouka à droite et à gauche et la mitzvah de mezouza à droite quand on rentre. Ou inversement quand on sort. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que la mezouza, peu importe où elle soit, vous mettez la Hanouka à l'opposé. Comme ça, vous êtes entouré de mitzvot. Ça, c'est le Minhag Chabad, c'est la tradition Chabad. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais en général, on le pose là où les gens mangent, parce que en général, on reçoit des gens, ou même sans recevoir des gens, en général, la famille s'assemble à cet endroit-là. Et donc, tout le monde pourra profiter du miracle de Hanouka et de voir les bougies briller. Bien sûr, quoi d'autre? Maintenant, si on est invité quelque part et qu'on va chez un ami pour manger, est-ce qu'on doit allumer la Hanouka chez lui ou chez nous? Lui va l'allumer pour lui chez lui, mais nous on doit l'allumer pour nous chez nous. Pourquoi? Parce que c'est là où on vit. Et donc on doit, même si on est invité chez quelqu'un, on doit revenir à la maison pour allumer la Hanouka et rester au moins une demi-heure avec la Hanouka sans faire aucun travail, sans profiter de la lumière de la Hanouka. C'est pour ça qu'on allume le shamash. Le shamash, c'est exactement au cas où on va avoir à utiliser la lumière de la Hanouka malencontreusement, il y a le shamash. C'est-à-dire, on pourra dire qu'on a utilisé la lumière du shamash et pas la lumière de la Hanouka. C'est un peu comme un trick qu'on utilise. Donc, concernant ça, c'est bon. Donc, le moment de l'allumage, comme on l'a dit tout à l'heure, la Hanouka doit briller pendant 30 minutes ou 50 minutes pour le Minhag Chabad. Maintenant, à partir de quand on avait dit qu'on devait allumer? Alors ici, il explique qu'il y a des communautés qui allument les Nérodes de Hanouka dans la synagogue, juste après la Shkia. La Shkia, on avait dit, c'était quoi? C'était l'entrée de Shabbat. Juste l'entrée de Shabbat et 18 minutes. Et il y en a qui ont l'habitude de l'allumer après la sortie des étoiles, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Et donc le Minhag Chabad, la tradition Chabad, c'est de l'allumer juste après la Shkia, c'est-à-dire après l'entrée de Shabbat, que ce soit juste après entre la prière de Mincha et de Arvit. Donc en général, on va au Beth Amidrash, chez Chabad, c'est comme ça que ça se passe. On prie Mincha, on allume, et après on fait Arvit. On attend bien sûr que la nuit tombe, et après on fait Arvit. Et il y en a que non. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils allument complètement après la sortie des étoiles. Ils font Mincha, ils attendent, ils font Arvit, et après ils allument. Dans tous les cas, c'est bon. Il n'y a pas à s'angoisser pour ça. Seulement, juste je ramène les deux opinions. Non, comme on l'a dit, maintenant, si celui qui n'a pas eu l'opportunité d'allumer dans ces deux temps ici, si t'es si contre, alors à ce moment-là, il pourra allumer toute la nuit, à condition, il y a une condition, bien sûr, que les gens de la maison soient réveillés. Maintenant, s'il rentre à minuit, après qu'il ait travaillé, et que tout le monde est parti se coucher déjà, la femme et les enfants. Et à ce moment-là, ils l'ont attendu pour allumer la Hanouka. Ils ne savaient pas faire la mitzvah. Ils ne savaient pas faire la bracha. Ou ils auraient pu allumer sans bracha. Mais bon, ils avaient voulu attendre le mari. Et malencontreusement, le mari est arrivé tard. Alors à ce moment-là, il pourra allumer, mais sans faire la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, la mitzvah de la Hanouka, c'est de dévoiler le miracle qui s'est passé. Et quand on dévoile un miracle, il faut qu'on le dévoile à des personnes, parce que si tu te le dévoiles à toi-même, tu vas pas aller loin. Donc c'est pour ça que l'Halakha a dit qu'il faut que ce soit avec du monde qui soit là pour profiter de cette bracha et de cet allumage et qui voient pourquoi on allume la Hanouka, parce qu'il y a eu un miracle. Et donc maintenant, si c'est seul, ben non, ça marche pas. Maintenant, avant le moment d'allumage de la Hanouka, il est interdit de manger ou de faire quoi que ce soit Et que quoi que ce soit qui va nous distraire de l'allumage de la Hanouka, on va rater peut-être le moment. Mais on a dit que le moment, c'est toute la nuit. Mais le moment de toute la nuit, c'est seulement en cas de nécessité. Maintenant, c'est mieux de le faire, comme on a dit, après Mincha ou après Arvit, après la sortie des étoiles. C'est bien de se dépêcher d'accomplir la mitzvah. Comme on dit, il faut être zariz dans la mitzvah. Il faut se dépêcher d'accomplir une mitzvah, parce qu'une mitzvah ne doit pas attendre. Donc, alors, il doit rien faire. Et même, ils disent qu'il faut pas étudier la Torah, parce que peut-être tu commences à étudier la Torah et tu vas te perdre dans la Torah et je veux dire, tu vas t'oublier et tu vas oublier d'allumer. Adli, jusqu'à qu'il allume. Et maintenant, si maintenant il a commencé à étudier la Torah, alors il va s'arrêter, ou il a commencé à faire quoi que ce soit, il doit s'arrêter et il doit commencer à... Il doit allumer de suite. Et il y en a qui disent qu'une demi-heure avant l'allumage de la Hanouka, eux, ils s'interdisent tout, même d'étudier la Torah. Et il y en a même qui disent que dans l'étude de la Torah, c'est pas obligatoire. Mais bon, dans tous les cas, on fera attention. Donc maintenant, l'ordre de l'allumage de la Hanouka. Donc le premier soir, donc ça va être le 24 au soir, le Chaf Dalet, donc le 24 qui se lève au soir, donc qui signifie en fait le 25, le jour du 25, qui commence le soir bien sûr dans notre calendrier. On va allumer à partir de la droite vers la gauche, et on va allumer on va allumer à l'aide d'une bougie en cire d'huile d'olive, ou en cire si on n'a pas une bougie en cire d'huile d'olive. Et on va allumer donc de la droite à la gauche, on va allumer le premier, on va faire d'abord la bracha. Donc aussi, donc on va allumer le shamash, donc le shamash bien sûr, et le shamash il compte pas dans le nombre des 8 bougies, lui il est à part, donc toujours il y aura une bougie pour la Hanouka plus le shamash, donc il y aura toujours le premier soir 2. Le shamash plus une bougie qui est considéré comme le premier soir de la Hanouka, etc., etc. Donc, arrivé le 8e jour, on aura 9 bougies. On aura 8 bougies pour la Hanouka et le shamash. Maintenant, avant d'allumer, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha. On fait 3 brachot pour le premier soir et 2 brachot pour tous les autres soirs. C'est-à-dire, les 3 brachot sont les suivantes. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Lehadlik Ner Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asa Nisim La'avotenu Bayamim Ahem Bizman Hazeh. Et la 3e bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'echiyanu Ve'giyimanu Ve'hagiyanu La'zman Hazeh. Donc ces 3 brachot, vous pouvez les trouver dans un livre de prière ou dans le Kabbalat Chagim, ils sont là-bas. Et donc le premier soir, vous dites ces 3 brachot et après vous allumez. Et les deuxièmes soirs, et deuxième soir, troisième soir, quatrième soir, cinquième soir, sixième soir, septième soir, huitième soir, donc jusqu'à la fin, vous faites juste les 2 premières brachas, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Le'adlik Ner Shel Chanukah, et la deuxième bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asa Nisim La'avotenu Bayamim Ahem Bizman Hazeh. C'est tout. Le Shehecheyanu, on le fait pas. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shehecheyanu Me'agenu Bizman Hazeh, on le fait pas. Ok? Donc c'est clair. Maintenant, on finit toujours les brachot et après on allume. On n'allume pas en même temps qu'on fait les brachot. Ça, c'est. Il faut être clair sur ça. On fait les brachot, on finit les brachot et après on allume. Bon, maintenant, comment on fait pour allumer? Donc, le premier soir, on allume la première bougie qui se trouve à votre droite. Avec le shamash, bien sûr. Shamash qui sert pour allumer la première bougie. Le deuxième soir, comment ça se passe? La bougie du premier soir, la deuxième qui est à la gauche de la première, c'est-à-dire la suivante, mais en allant vers la gauche, celle-là, vous allez l'allumer en première. Ça veut dire le deuxième soir, vous allez allumer la deuxième bougie dans le même ordre, c'est-à-dire en partant vers la gauche. Et le troisième soir, la troisième bougie, toujours première, deuxième, troisième, c'est-à-dire en partant toujours vers la gauche, c'est-à-dire première vers la gauche, deuxième vers la gauche, troisième. Paf. Donc vous allez allumer et vous allez revenir sur la deuxième première. D'accord? C'est clair? Donc, je répète, pour être clair, on allume la première bougie qui est à notre droite de la Hanoukia. Pour le premier soir, plus le shamash, avec le shamash, on allume la première bougie. Le deuxième soir, On allume la deuxième bougie qui se trouve à la gauche de la première bougie. Et après, une fois qu'on a allumé, donc, on allume le chômage, la deuxième bougie et la première bougie. On revient sur la première bougie vers la droite. Le troisième soir, on allume la troisième bougie qui est juste à côté, à la gauche de la deuxième bougie de la veille. Donc on allume le chamache, on allume la troisième et après on allume la deuxième qui est à droite de la troisième et la première qui était à la droite de la deuxième. Et surtout, et donc après, une fois qu'on a allumé donc les bougies comme ils se doivent, on peut commencer le chant liturgique de Adlakat Nerot, Allelu, Anochnu Madlikim, etc., etc., qui se trouve dans le Kabbalat Chagim aussi, et que vous pouvez trouver dans un Patarié ou dans n'importe quel autre livre, ou dans le Tehillat Hashem, bien sûr. Donc on avait dit que les Nérodes doivent brûler minimum 30 minutes, ou 50 minutes d'après le Minhag Chabad. Maintenant, à partir de quand ces 30 minutes on les compte? Eh bien, on les compte à partir de la sortie des étoiles, c'est-à-dire que dès que la sortie des étoiles, par exemple, si la sortie des étoiles, c'est-à-dire la fin de Shabbat, il est à 5 heures de l'après-midi, vous comptez une demi-heure de plus. C'est-à-dire qu'il faut que la menorah, la Hanouka, elle brûle pendant une demi-heure de plus, c'est-à-dire jusqu'à 5h30, minimum. Pour ça, à Chabad, on rajoute 20 minutes, on rajoute un peu plus d'huile pour éviter le doute et que peut-être la Hanouka va s'éteindre avant ces 30 minutes. Donc, on rajoute un peu plus d'huile. C'est pour ça qu'on met une barrière de 50 minutes. Maintenant, avant Chabad, comment ça se passe? Alors, on va voir. Maintenant, on fera en sorte toujours de mettre le shamash en retrait pour bien montrer la différence. Par exemple, un peu plus haut ou carrément à l'autre extrémité, et quand vous arrivez au 8e soir que la Hanouka est pleine, alors il faudra toujours le mettre en décalé un peu plus haut pour qu'on puisse voir, faire une distinction que ça c'est le chamash. Maintenant, comme on l'a dit, il est interdit d'utiliser la lumière de la Hanouka, c'est-à-dire on ne doit pas faire, en général on fait rien pendant une demi-heure que la Hanouka est allumée, on fait rien. On peut peut-être lire, même pas, on chante, on parle de l'affaire. En général, on a la mitzvah de raconter le miracle de Hanouka et de manger des beignets, bien sûr, les souffganiotes. Maintenant, si la Hanouka, elle s'est éteinte. Ok. Une autre chose, excusez-moi, avant. Surtout, c'est interdit d'allumer le shamash. Faites très attention de ne pas allumer le shamash avec la lumière de Hanouka. C'est par exemple, vous avez allumé le shamash, il vient de s'éteindre et vous voulez le rallumer, alors vous voulez utiliser directement la lumière de la coupole d'une des bougies de la Hanouka. Non, ça vous pouvez pas. Vous prenez un briquet, vous rallumez le shamash et avec ce shamash, vous continuez à allumer les autres bougies. Maintenant, on a l'habitude. Ah oui, si maintenant la Hanouka, une des lumières de Hanouka s'est éteinte avant le temps de 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la rallume sans aucun problème avec le shamash si c'est possible, en général, sans bracha, sans faire la bénédiction. Maintenant, si elle s'est éteinte après le temps qui est nécessaire, c'est-à-dire 30 minutes ou 50 minutes suivant les minagim, les traditions, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. En général, c'est 30 minutes. Alors ça, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas la mitzvah de le rallumer. Vous la laissez éteindre, il n'y a aucun problème. Et vous utiliserez l'huile pour le lendemain pour une autre fiole de la Hanouka. On a l'habitude de s'attarder, bien sûr, autour de la Hanouka, de manger les beignets et de parler du miracle afin de pouvoir raconter et diffuser le miracle qui s'est passé pendant Hanouka. Et bien sûr, on a la mitzvah de ramener tout le monde autour de la Hanouka au moment de l'allumage, bien sûr, pour que tout le monde puisse profiter du miracle et du miracle de Hanouka. On a l'habitude, Chabad, ou les chassidim en général, de mettre une chagoura, une ceinture, c'est un gartel, une ceinture pour séparer, comme quand on fait la prière, pour séparer le haut et le bas, au moment de l'allumage de la Hanouka. Donc maintenant, dans les synagogues, l'allumage de la Hanoukia dans les synagogues. Maintenant, donc où mettront, en général, ils ont l'habitude de mettre la Hanoukia au-dessus de 10 tfachim, c'est-à-dire 10 points de hauteur. Et en général, on le met dans le mur du... Donc on a l'habitude de le mettre dans le mur du sud et dans la largeur qui va de l'est à l'ouest. Donc comme elle était posée là-bas au Beth Amikdash à l'époque. Et ils ont l'habitude, il y en a qui ont l'habitude de le mettre au-dessus de 20 farim, c'est-à-dire 20 points de hauteur à peu près, pour que tout le monde puisse la voir. On allume la Hanouka entre Mincha et Arvit, qui fait encore jour. Et on fera la bracha sur cette Hanouka, le Shaliar Tzibur ou le Gabbai ou le Shammash, qui s'occupe de la synagogue, fera ça. Et c'est bien qu'il y ait 10 personnes au moment de faire les brachot, pour qu'ils puissent répondre Amen. Qu'il y ait mignon, quoi. Dans Beth Knesset, donc à quel moment on allumera entre Mincha et Arvit, à la fin de Mincha, en général, on dit Alenu le Shabéar, le Mizmor. Donc c'est un des chants liturgiques, un des chants liturgiques. Et donc on allumera juste avant de dire ce chant, on allumera la Hanoukia, voilà, la synagogue, et ensuite on pourra dire le Alenu le Shabéar, etc., etc. Maintenant, est-ce que moi, qui ai écouté, qui était à la synagogue et a écouté les brachot sur cette Hanoukia, est-ce que je rentre à la maison, est-ce que je suis obligé de refaire ces brachot alors que j'ai répondu Amen, etc., quand le Shaliar Tzibur il a fait la bracha? Oui, on doit refaire les brachot seulement. Une des brachas, la troisième, celle-là, on ne la fera seulement si on a une femme et des enfants qui nous attendent à la maison, dont on va devoir les acquitter de la mitzvah de la brachot, donc en faisant les brachot sur la Hanoukia à la maison. Donc ça, on le dira. Mais sinon, s'il est tout seul à la maison, il fera juste les deux premières brachot. Il fera pas la troisième parce qu'il a été rendu quitte par le Shaliar Tzibur de la troisième bracha. On a l'habitude d'allumer les nérodes de Hanouka dans la synagogue, même pendant Shabbat le matin, même au moment de la prière du matin, sans bracha. Pourquoi? Comme ça, les gens qui viennent prier, ils voient la Hanouka, et ceux qui ont un doute sur le jour ou quel jour on est de l'allumage, ils verront, ils pourront vérifier avec un coup d'œil où est-ce qu'on en est dans l'allumage. Même s'ils ont sauté un jour, malheureusement, ça peut arriver, on s'oublie, ou on est mais Boulbal, on est complètement désorienté, on ne sait plus où on en est dans le compte. Alors au moins dans la prière du matin, au moment où on va aller à la synagogue, on va voir la Hanoukia de la synagogue, on saura où est-ce qu'on en est. Maintenant, avant Shabbat, comment ça se passe avec la Hanoukia? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on doit toujours allumer la Hanoukia avant de faire l'allumage des lumières des nérodes de Shabbat. C'est-à-dire, on va allumer les nérodes de Shabbat un tout petit peu plus tôt, mais on va utiliser toujours des nérodes un peu plus longues, c'est-à-dire si on utilise déjà les nérodes déjà préachetés, donc en général ils durent 4 heures, donc il n'y a aucun problème, parce que à partir de, si on allume comme par exemple si Shabbat rentre à 5 heures, et on allume par exemple à 4h45, les nérodes de Shabbat, on sait qu'elles vont briller jusqu'à la fin de Shabbat. C'est-à-dire, si par exemple, on va dire comme ça, la Shkia c'est 4 heures et la sortie de Shabbat c'est 5 heures, pour être plus clair. Maintenant, on va allumer un quart d'heure avant la Shkia, c'est-à-dire 3h45. La lumière, la bougie, elle va briller pendant 4 heures, donc il n'y a aucun problème. On va arriver à après 5 heures, donc largement, donc on est tranquille. Maintenant, dans la Hanoukia, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a allumé la Hanoukia, d'abord, on va allumer la Hanoukia. On va rajouter un tout petit peu plus d'huile. Pourquoi ? Parce qu'on va faire le même principe. On va allumer avant. On va allumer avant donc la shkia. On va rajouter un peu plus d'huile pour que ça puisse brûler bien après la sortie des étoiles, c'est-à-dire la sortie de Shabbat, c'est-à-dire 5 heures dans ce cas-là, comme on vient de l'expliquer. Et donc même une demi-heure après 5 heures, comme on avait expliqué, il faut que ça dure plus qu'une demi-heure, au moins une demi-heure. Donc on va rajouter beaucoup plus d'huile afin que la Hanouka va être allumée par exemple à 3h45 si Shabbat y rentre à 4 heures, et donc un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat. Et il faut qu'il y ait suffisamment d'huile pour qu'elle brûle jusqu'à 5h30 du soir. C'est-à-dire 5h, c'est la sortie des étoiles, et une demi-heure, le temps nécessaire que la Hanouka doit être allumée. Donc il faudra qu'elle brûle pendant 1h45 minimum. Donc il faudra mettre suffisamment d'huile. Et pour les néros de Hanouka, de Shabbat, on fera la même chose. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on a dit qu'on allumait entre Mincha et Arvit. Maintenant, si la synagogue elle est loin, c'est pas tout le monde qui a une synagogue en bas de la maison. Donc il peut aller faire Mincha, revenir à la maison, allumer, et après repartir à Arvit, à la prière du soir. Non, qu'est-ce qu'il fera ? Ben, s'il a un peu plus de temps, ben, il va s'organiser pour allumer les bougies donc, de Hanouka et de Shabbat avant d'aller prier Mincha, donc avant d'aller prier la prière de l'après-midi. Et donc il va faire en sorte qu'il y ait assez d'huile pour que ça dure longtemps. Et à ce moment-là, il ira prier à Béminyan, il ira prier avec 10 personnes à la synagogue, et il continuera, il restera là-bas, et il fera Arvit pour l'entrée de Shabbat. Et quand il rentrera à la maison, il faudra que les lumières de Shabbat et de Hanouka soient allumées, donc il y aura assez d'huile nécessaire, et pour qu'il puisse profiter de voir le Nes, le miracle, et les bougies de Shabbat, au moment du Kiddush. Bien sûr, une fois qu'on a allumé les nérodes de Hanouka ou les nérodes de Shabbat, bien sûr, on ne peut plus les bouger, c'est clair. Donc on fera en sorte de les allumer dans un endroit où on sait qu'on ne va pas les déplacer, c'est-à-dire style, il veut les allumer là-bas dans la cuisine, et il s'aperçoit, ah non, je voulais les mettre sur la salle à manger, la table à salle à manger. Non, tu les laisses dans la cuisine, elles ne bougent plus. Ça y est, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser avant de faire les choses, et qu'il faut établir un endroit spécifique pour les deux choses. Et aussi, on fera en sorte de ne pas allumer les bougies de Shabbat à côté des bougies de Hanouka pour ne pas penser que, ça on l'avait pas dit tout à l'heure, mais je le rajoute, que peut-être que c'est si on a deux bougies de Shabbat à côté d'une bougie de Hanouka, on va penser peut-être que c'est le troisième jour de Hanouka. Donc ils vont se mélanger dans les lumières, c'est-à-dire de loin on peut penser que c'est en fait le troisième jour Hanouka alors que c'est le premier à cause des deux bougies de Shabbat. Aussi, on fera en sorte que si maintenant on a beaucoup de monde dans la maison, c'est-à-dire on a 2-3 enfants ou même un enfant, et il y a le père et qui veut allumer la Hanouka, et l'enfant aussi veut allumer la Hanouka, comme on a dit, pour l'éduquer. Alors à ce moment-là, on les mettra, les Hanoukiot, à différents endroits, c'est-à-dire l'une de l'autre, afin qu'on ne puisse pas mélanger les lumières, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire en sorte de voir que, en voyant les deux Hanoukas, c'est comme si c'était une Hanouka où il y a deux soirs d'allumer, par exemple, pour le premier soir, etc., etc. Aussi, on ne bougera pas ces lumières jusqu'à la fin de Shabbat. Et maintenant, après Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour l'allumage de la Hanouka et la Havdalah à faire aussi ? Alors, Motsé Shabbat, après la fin de Shabbat, on est encore dans la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait ? On allume à la synagogue, comment ça se passe ? À la synagogue, c'est comme ça, on allume la Hanouka avec Bracha, et après ensuite on fait la Havdalah. À la maison, c'est l'inverse. À l'inverse, on fait l'Avdallah et après, on allume les bougies de Hanouka. Maintenant, les minagim, les traditions qu'on a à Hanouka. Bien sûr, la première tradition, c'est de raconter, de rassembler tout le monde autour de la Hanouka, comme on a expliqué, et de parler même avec les enfants, de leur raconter l'histoire de Hanouka. Donc vous pourrez trouver les histoires dans le Kabbalat Hagim 6 juin, avec ce cours. Il y en a qui ont le minag, C'est pas une halakha, c'est un minhag. C'est-à-dire, c'est chacun est fait comme il veut. Il y en a qui ont les traditions de manger beaucoup de, qui ont de manger des choses halavi, des produits laitiers, comme des gâteaux au fromage, des cream cheese, des fromages, les yaourts, tout ce que, les glaces, que vous voulez, à base de laitage, pour se souvenir que le Nes, le miracle qui a en partie sauvé le peuple juif à cette époque, c'était on avait fait manger au chef des armées des Grecs, au roi, du laitage salé, afin qu'il puisse boire beaucoup de vin et qu'il se saoule, et après on lui a tranché la tête. Qui est-ce qui a tranché la tête à qui? Alors c'était Yehudit, la fille de Yohanan, le Kohen Gadol de l'époque, de la maison des Hashmonaï, c'était l'armée de l'époque, ou la tribu de l'époque, qu'elle a donné, donc elle a donné du laitage salé, style du fromage feta ou quelque chose comme ça. Les Grecs, ils aiment le fromage feta. Alors elle a dû leur filer du fromage feta, une bonne salade de fromage feta. Le chef des armées, il a défoncé le plat, comme on dit, il s'est régalé, il a bu comme il faut, et elle est venue, elle a fait son travail de bonne juive, elle lui a tranché la tête. Non, je rigole. Ouais, bon, Hachem, c'est comme ça que ça a dû se passer, c'est comme ça qu'Hachem, il voulait que ça se passe, sûrement, et bon, Hachem. Donc, grâce à elle, on a été sauvés, en fait. Et donc, elle a attendu qu'il s'endorme, elle lui a coupé la tête, et après, elle a raconté, je crois, le Midrash, il dit qu'ils ont jeté la tête dans les armées. Quand ils ont vu la tête de leur chef d'armée, ils se sont tous enfuis. Ils ont eu peur. Ils ont dû se dire, c'est juif, c'est des barbares. Ouais, pour une fois. En tout cas, on continue. Donc, on a le minhag, bien sûr. C'est plus qu'un minhag, c'est de mettre, bien sûr, de dispenser beaucoup de tzedaka pendant la fête de Hanouka. Avec la Tzedaka, Baruch Hashem, on peut sauver beaucoup de décrets divins, et Baruch Hashem, on peut annuler beaucoup de mauvaises choses sur le peuple d'Israël. Donc c'est la Mida de Chesed, de bonté. Le Minhag Chabad, on a les Admourés Chabad, ils ont l'habitude de donner de l'argent aux enfants pendant Hanouka, le quatrième et le cinquième jour. C'est ça. Le soir du quatrième jour, du quatrième soir et cinquième soir. Ils ont l'habitude de leur donner, et même s'ils sont plus petits, c'est-à-dire même s'ils sont encore, ils sont déjà mariés avec des enfants, on a le minhag chez Rabat de donner encore de l'argent pendant Hanouka. Bien sûr, on a le minhag de donner aux enfants les toupies, les fameuses toupies où il y a les quatre lettres inscrites Nun, Gimel et Shin, qui veut dire Nes Gadol Ayasham, c'est-à-dire un grand miracle, il y avait là-bas, excusez-moi. Non, en parlant du miracle de la délivrance. Vous pourrez lire toute l'histoire dans le Kabbalat Ragim, en passant. Il y a toute l'histoire concernant les dreidel et les toupies. Maintenant, les lois concernant un endeuillé concernant l'endeuillé qui se trouve pendant Hanouka, et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc un endeuillé pourra faire les trois premières brachot, c'est-à-dire allumer le premier soir avec les trois premiers brachot, même chez Chiyanu. Même cette troisième bracha, il pourra le faire, il pourra la faire. Parce qu'en général, cette bracha, c'est considéré pour un moment de joie, quand on l'a fait, quand on a un nouveau vêtement, etc., etc., ou la fête en général. Ben, malgré qu'il est endeuillé, il pourra la faire quand même, à condition, seulement dans le sens, seulement dans le cas où il allumera la Hanoukia chez lui, le premier soir. Si maintenant il allume la Hanoukia quelque part d'autre, On n'a pas vu ça. Est-ce qu'il peut allumer quelque part d'autre? Non, on avait dit qu'il devait revenir à la maison. Donc seulement s'il allume la Hanouka à la maison, chez lui, alors il fera la première bracha le premier soir. Si maintenant il a raté le premier soir, c'est-à-dire il vient directement, il allume le deuxième soir, alors il ne fera pas cette bracha la troisième. Il fera juste les deux premières. Bien sûr, un endeuillé à la synagogue, on ne pourra pas lui donner la mitzvah d'allumer le premier soir la Hanoukia, parce qu'il y a la bracha, la troisième bracha qui est chez Rianou, comme on vient de dire. Il pourra dire cette bracha seulement s'il est à la maison et qu'il allume la Hanoukia pour lui seul, ou pour lui seul en général, je pense. C'est pas marqué, mais je pense que c'est ça. Et peut-être pour la famille, je sais pas, mais en tout cas, à la synagogue, il pourra pas, ah oui, parce qu'il pourra pas rendre quitte le Kaal, parce qu'il est endeuillé, je sais pas exactement, c'est une bonne question, il faudra approfondir ça. En tout cas, il le fera pas, c'est tout. Maintenant, un Onen, c'est quoi un Onen? C'est quelqu'un qui est, comment ça s'appelle, un ami ou un membre de la famille du défunt. C'est-à-dire de l'endeuillé, en fait. Lui, en général, je crois, si je me souviens bien... Ah oui, la définition d'un onen. Voilà, je viens de trouver. Ça, alors, c'est un deuil cuisant. Alors, période de deuil observée le jour de la mort d'un proche parent. L'affligé est alors exempté. Donc, on l'appelle onen. L'affligé, c'est l'onen. Et alors exempté de tous les commandements positifs jusqu'à l'enterrement. Par la suite, il a le statut de Evel, de Havel, d'un endeuillé. À l'époque du temple, un Onen n'était autorisé à consommer ni la seconde dîme, donc le maaser, ni l'offrande, ni les bikurim, des prémices, ni les bikurim, ni la chair des sacrifices, Kodashim, s'il était un Kohen. Il ne pouvait participer au service du temple, mais cette interdiction ne s'appliquait pas au grand prêtre. En tout cas, un Onen, c'est quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un. Qui vient de perdre un proche. Donc lui, pour lui, dans ce cas-là, qu'est-ce que... Donc là, juste avant, on avait parlé d'un endeuillé. Donc un endeuillé, donc ça veut dire qu'il a déjà enterré son proche. Lui, le Onen, il n'a pas encore enterré. Tant qu'il n'a pas encore enterré, il est dispensé de faire toutes les mitzvot. Donc si... Là, quel est le statut pour Hanouka? Il dit que... S'il y a quelqu'un... qui peut allumer pour lui, avec les brachot, alors à ce moment-là, il allumera pour lui, et le onen, donc la personne qui vient de perdre un proche, il répondra amen. Maintenant, s'il n'y a personne qui peut le faire pour lui, alors il le fera, l'allumage de la Hanouka sans bracha. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, pour un endeuillé, et on vient 10 personnes à la maison chez lui pour faire la prière et pour allumer la Hanouka, etc., etc. Donc lui, on fera quand même, on lira le Hallel, même qu'il est endeuillé. Et même lui, il devra lire le Hallel. Donc voilà, on a plus ou moins parcouru toute la halakhot de Hanouka. Ben, Tachem, s'il y en a que j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Donc, ces halakhot, elles sont tirées du livre Shvar HaMoadim. C'est un kitsour de halakhot et de minagé des fêtes. Donc, des minagés de fêtes. Et il ramène un peu tout. Et bon, Hachem. Alors, on vous souhaite à tous un bon Chag Hanouka. Happy Hanouka pour tout le monde, et Bezat Hashem, ne mangez pas trop de beignets, car les indigestions, ça peut faire mal. Non, je rigole. Allez-y, vous pouvez vous éclater. On est Baruch Hashem pendant les fêtes, il n'y a pas de limite. Alors, bonne soirée, Chag Sameach, et Bezat Hashem, Shabbat Shalom. Bye.